Eats. L'histoire est sans fin, je m'arrête pas de rapper. J'ai le son dans le sang, pas question de déraper. Je rappe à fond à 200 comme un Audi baqué. J'écris toutes mes idées et je pose même mes ratés. Mets ton poste en puissance, on vient te le raviver. Les boycotter le blast, bien sûr que j'ai pas quitté. Y'a des hauts et des bas comme se faire acquitter. Y'a des vices improbables comme un babra quitté. Les fêlés, on te follow, on te laissera pas me niquer. J'écris, je pose pas solo, oh my god, et j'ai géré Dakar chez Ptilo, Sam, l'équipe au complet. Je reviens te faire vibrer comme une salle de concert. J'en ai marre de la galère et des boîtes de conserve. Et je fume, je crois pas que je me conserve. Chaque jour est un combat quand t'as connu misère. J'ai su relever la tête en revenant de l'hémisphère. J'ai su te cogner fort quand t'as voulu me la faire. J'imagine un futur vu mon passé gâché. J'ai la haine en ces gens qui ont plusieurs facettes et beaucoup de vices cachés. Je voudrais presser gâchette, mais rien ne sert de se clasher. Je fais ma vie, je suis peinard, chaussons dans mon peignoir. Je reviens de la pénombre et des pensées tout noires. Je vois pas la vie en rose, mes couleurs sont l'espoir. Pas de confiance à avoir, ça je l'ai su très tôt. Car de là où l'on vient, on veut te manger tes os. Beaucoup trop de chacals qui te la mettent pour des ronds. Tu pourras pas m'arnaquer, j'ai valeur de l'euro. Si tu avances encore, je te découpe en morceaux. Qui es-tu? Je suis mort. Et toi, qui que tu sois, tu peux avoir l'honneur d'être ma dernière victime. Je ne me laisserai pas tuer si facilement. Je suis un guerrier. L'histoire est sans fin, j'arrête pas de bédave. C'est dur de s'en sortir avec elle, je m'évade. Je m'occupe pas de ta vie, je m'occupe de mes bails. Le prochain peu clic si Dieu veut à Dubaï. Je laisserai sortir mon instinct animal à la matin, la tête un cadavre dans une ruelle. Ma fille et ma femme et ma mère sont mes prunelles. Sombrer le tunnel, j'attends ma fin funeste. Vaincre mes démons comme un héros de lutesse. Je m'en suis pas sorti que j'ai déjà trop lutté. Je viens pas de cette terre, c'est de la frappe dans mon terre. Tous sur le terrain on fait pleurer nos mères. J'ai peur que ma fille fasse pleurer son père. Me compare pas aux autres, je suis comme son père. Je pense au mien, le reste est sommaire. Le rap pour moi une partie de jambes en l'air. Qu'on s'en sorte pour eux ça n'est pas impossible. C'est ça qui leur fait peur donc on est pris pour si. Oui tu parles mais pour chi, tu boucas pour le bouchi. Tu dépenses en boutique, tu donnes tout à ta biche. Elle se saute bite mais tu vois pas la diff. Vouloir du cash chez nous est maladif. J'suis le mal dominant chica, j'suis l'actif. J'suis le mal dominant chica, j'suis actif. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de tellement gros? Qu'est-ce qu'il y a de tellement gros? N'a pas de limite. C'est pour cette raison qu'il n'existe aucune limite.